êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Anne-Julie Durocher avec sa chronique culturelle. On parle de l'âge UQTR avec Jasmine Raymond-Drainville. Et François Landry nous parle d'élections proportionnelles dans Logocratie 101. Assemblage requis commence tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 13 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Et on t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Tout à fait. Tout à fait. On bûche les micros, tout tient comme faux. Tout est beau. On est beau. On est parti. Quelques autres en studio, les mains dans l'intérieur du véhicule, s'il vous plaît, en tout temps. Quoi? Hein? Les mains à l'intérieur du véhicule? Ça, c'est pour les trains, je pense. Hein? Oui, les autobus aussi, je pense. Ouais. Les tramways. Hein? Les tramways, peut-être. Dans le temps. Peut-être. Les chevaux, les carrioles? Non, ça, je pense que t'avais le droit. Ah oui? Cool, ben donc, c'est la carriole qui gagne. Là. C'est la carriole qui gagne. L'hiver, peut-être pas. Quoique, tu sais, les besoins des chevaux, une fois gelés, doivent moins sentir mauvais. Ça, c'est vrai. Ils s'en servaient d'ailleurs pour jouer au hockey dans le temps. Vrai! Et le hockey, ça rejoint tout le monde. Donc, Assemblage requis, maintenant, qui a parlé de hockey, rejoint tout le monde. Génial. Aujourd'hui, l'émission à 7h15. On va se faire une petite chronique CNX parce qu'hier, ça a été l'annonce du iPhone 5. Oh! C'est chaud. On va en parler tout à l'heure. Ensuite, à 7h45, on recevra Francis Arsenault pour le Festival international de musique universelle 2012. Rock, pop-up. Rock, sérieux. Pop-up. Pop-up. Pas les pop-up, là. Pas les pop-up, mais bien rock. Pop. C'est ça, rock, pop-up. Ouais. C'est samedi, le 15 septembre, à 20h, pile. Donc, on en parle vers les 7h45. Et ensuite, à 8h, Angélie Durocher sera avec nous. Oui, tout à fait. Et on sait pas vraiment de quoi il nous parle. Non? On sait jamais vraiment. Non, mais c'est un peu une chronique aléatoire. T'sais, je dis culturel. Culturel fait partie de son aléatoire. T'sais. Et même après sa chronique, on n'a pas vraiment su. Non, c'est pas vrai. Bon. Une petite blague comme ça. Et sinon, écoute, Jasmine, je mélange les deux. Là. Jasmine Raymond-Lévril va venir nous parler de la GEUQTR. Oui. Et elle va nous parler certainement du party de la rentrée qui se déroule ce soir. Tonight is the night. Mais toi, c'est ton 36, Matt, puis oui. Va danser. Est-ce que j'ai ça, moi, un 36, ça? Non. En fait, mon tour de terre, ça revient pas pire. Ensuite, à 8h30, on aura François Landry, sa chronique Logocratie 101. Et cette semaine, il nous parle, en fait, ça va être un sujet qui nous rend curieux. Parce que moi, en tout cas, je me pose la question, les élections proportionnelles, comment ça marche? Comment ça peut marcher? Et on va le savoir tantôt. Pas hein? Comment ça marche, parce que là... Là, en fait, là, c'est comme pas en cours présentement. Comment ça marche dans d'autres pays? Oui, c'est ça, exactement. Il nous a amené l'exemple de l'Allemagne, la semaine dernière. Mm-hmm. Tu te rappelles? Je me rappelle que c'est un pays, je sais pas l'Allemagne. Oui, me semble que c'est l'Allemagne. Donc, j'ai hâte de voir ici qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oui, comment ça marcherait ici et comment ça marche ailleurs. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On va débuter avec Hôtel Morphée et leur pièce Garde à vous. Bon matin, assez fou. Bon matin. Je ne veux plus tomber mal.

La formation Modest Mouse, c'est la pièce Float On. Pièce que j'adore. Maudit que c'est bon cet album-là. Good, oui. Good news for people who loves bad news. Oui, à peu près, à peu près, à peu près. À peu près. T'as chanté à la fin, mais t'as arrêté. C'est ah non, mais je suis gêné. C'est le fun que t'arrêtes. Gêné, ouais. Ok. Merci. Ouais. Thank you, Mathieu Plante. Hey, on a la Julie en studio présentement qui ne sait pas ce qu'elle fait ici. Non, je le sais pas. Écoute, c'est pas grave, on t'en veut pas. Hein? Ben ouais. C'est vous qui m'avez dit de venir, fait que... On aime ta compagnie, on aime ça, ta voix pour... Ma bonne humeur, mon pep. Ta bonne humeur, c'est ça. Ou encore, t'as toi pas qui nous dit qu'on a pas de bonne humeur et de pep. Ouais, c'est ça, mais ce matin, t'as pas de l'air super pépé, là. Non, c'est vrai. On est un peu déçus. Non, mais non, je suis... De un, je ne parle jamais de votre bonne humeur. C'est vrai, ok. Je suis à dire, là. C'est le pep, hein, c'est surtout c'est le pep. Ouais. Puis, c'est pas très fin, là. Je suis quand même réveillée, là. Non, non, c'est pas que t'es pas réveillée, là. C'est pas ça que j'ai dit. Je manque d'énergie. Un petit peu. J'ai pas pris de café encore. C'est peut-être ça. Je vais en prendre un à la chasse-galerie bientôt. Oh. Il va t'en falloir pour durer jusqu'à tard ce soir, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est le party de la rentrée de la GQTR. Oui. Alors, on va parler avec Jasmine Raymond-Dreville tantôt. Tout à fait, mais là, déjà, le setup commence depuis 7h matin. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. Belle petite scène, on va voir entre autres Orange Orange, les Irish Bastards et DJ Carl Wolf. En plein ça. C'est DJ, ouais. Je pensais que c'était un chanteur, je sais pas, je le connais pas trop. Ben Jasmine va pouvoir éclaircir tout ça, j'imagine. C'est un peu des deux, j'imagine. Peut-être. Peut-être. On le saura tantôt. C'est ça. Un des deux, peut-être. On verra. Mm. C'est un loup et un mouton. Pourquoi mouton? Ben parce qu'un mouton, tu sais, un ours, pas un ours. un loup déguisé en mouton. Tu sais, comme là, tu sais, on dit wolf in sheep's clothing. C'est quand un loup se déguise en mouton pour pouvoir passer inaperçu puis avoir la faim. Et après ça, rrr, puis il t'attaque, t'sais. Ok, ouais. Tu sais, comme dans le petit chaperon rouge, là, puis tout. Mais il se déguise pas en mouton, il se déguise en grand-mère. Ouais, mais une grand-mère, c'est frisé avec les cheveux gris comme un mouton, tu sais. Ah, ok. C'est logique, d'abord. Ça a bien du sens, hein? Ah, oh, oui. C'est logique. Bon. Oui. avant de continuer l'émission, on continue en musique avec une pièce qui s'appelle Ce son. C'est un groupe nommé les Hand Claps. Ça fait que tous ensemble, on tape des mains pendant le début de la chanson. Ça va pas avec la chanson, mais. Laissez faire, là-bas. Mon oreille me réveille. Un autre groupe l'a fait avant, ce n'était pas pareil. Les textes trop complexes me laissent perplexe. C'est vrai, le son suffit, mais hors contexte, le sens est à l'index. Me réveille. Une autre femme l'a fait avant, ce n'était pas pareil. Ces paroles trop complexes m'ont laissé perplexe. Entre deux mots, j'ai dû choisir le moindre, j'ai mis l'autre à l'index. You've heard it all before, but we're gonna play it till you scream for more. I say, whoa, whoa, whoa, whoa, nothing new to say, whoa, so I guess I'll dance. Come on and dance, shut up and dance. Whoa. Jeunesse Plus avec Aléa, Assemblage Requis. Il est 7h43. On vous l'avait promis plus tôt dans l'émission. On reçoit Francis Arsenault pour parler du Festival international de musique universelle. Bon matin, Francis. Bon matin. Merci de m'inviter. Ça va? Merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Bien sûr. Donc, le FIMUS a lieu en fin de semaine. C'est samedi 15 septembre. Qu'est-ce que c'est, en gros, le Festival international de musique universelle? Le mot universel, c'est pour pas faire peur au monde, parce que c'est un peu de la musique expérimentale, mais c'est vraiment une musique qui est pour tout le monde. Faut avoir un peu l'esprit ouverture, un peu, faut se laisser aller là-dedans, mais c'est une musique qui est très accessible quand on est là, en avant des artistes. Quand on écoute de la musique expérimentale à radio ou en disque, ça, c'est moins... Ça n'a pas le même effet. Non, absolument pas. Puis souvent, c'est des instruments inventés, fait que là, on voit la démarche de l'artiste. Fait que c'est quand même des musiciens, j'en ai quelques-uns qui ça fait 20 puis 30 ans qui font de la musique. Mmh. Ça joue dans des festivals de jazz, ça joue aussi avec... Il y a Bernard Falaise qui a joué avec Joram, Marie-Jo Thériault, Michel Faubert, tu sais, fait que c'est quelqu'un... C'est pas des gens qui débutent, là? Non, absolument pas. Fait qu'ils touchent à toutes sortes de styles musicaux, mais le dada, eux autres, c'est plus la musique expérimentale, c'est un peu ça que je présente, mais il y a aussi du rock... presque accessible. Comme il y a un band de Trois-Rivières, Prosper Fauché et les Railroad Choir. Il y a Atomic Baobab qui sont là-dedans. Oui, il y a, c'est bon, ça, on en joue beaucoup. Ils sont sept musiciens, mm-hmm. Ce band-là, là, puis ils vont faire la fermeture du festival. C'est du country rock. OK. Country rock. Ouais, cool. OK. Puis tu parlais presque accessible. Ça veut dire... Dans le sens. Ben, dans le sens que c'est pas la musique populaire. Ben c'est ça, et c'est le slogan du festival cette année, Rock Pop-Up. Moi, c'est du rock, puis c'est pas du pop. Puis il n'y a pas de pop-up, parce qu'il y a Internet, t'aimes pas vraiment ça, c'est ça? OK. OK, c'est une side. Ouais, Bernard Falaise va être là en trio avec Isaiah Cacciarelli. Lui, il fait c'est un percussionniste, mais tu, il fait des chants grégoriens, la musique médiévale, mais tu... Puis il y a Jonah Fortune qui complète le trio avec en contrebasse. Ça, c'est vraiment, à mon avis, à moi, le gros buzz de la soirée. Okay. Ça va être cool. Puis il y a Rémi Leclerc qui, lui, a joué avec les projectionnistes. Il joue dans Myriodor. Bernard Falaise aussi, c'est un groupe de rock progressif qui ont fait la première partie de Vandegraaff Generator, théâtre d'été à Québec, il y a 2-3 ans. Il y a Joseph Béliveau, 11 ans, le plus jeune participant du festival. Qu'est-ce qu'il fait? Percussion. OK. Ouais, puis il est très bon. Il tient le beat, là, ben raide. Puis moi, je joue en duo avec Alain Florent aux tables tournantes, deux platinistes, puis on y envoie des contre-beats, on y envoie toutes sortes de choses pour le déstabiliser. Ouais, puis ça marche pas pantalon. Non. Ah non, il est vraiment bon. Puis avec nous autres, il va être Daniel Delille, qui fait une espèce de théâtre de marionnettes. Là. C'est comme un mini-théâtre qui est filmé sur un grand écran. Puis là, il active les petites marionnettes. Dans une boîte. Dans une boîte, c'est ça. C'est comme un cinéma maison tout petit, ouais. Là, qui va être projeté au mur avec projection. Donc ça, c'est en direct. Il y a aussi, en art visuel, il va y avoir des pochettes de vinyle, un mur au complet qui est installé. Okay. Mais pas du Pink Floyd puis du Led Zeppelin. Tous des groupes vraiment qui ont marqué la musique avant-garde dans les années 60, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. Puis il y a aussi une installation de 8 tables tournantes qui vont fonctionner presque toute la soirée. En loop, c'est-à-dire que le vinyle revient sur le même sillon, l'aiguille revient toujours sur le même son, fait que chaque table tournante a son particulier qui fait une atmosphère assez particulière. Puis il y a aussi en visuel, comment il s'appelle, Jean-François Baudette qui va avoir la projection toute la soirée. Sur le thème rock, bien sûr. Ça a lieu à l'atelier Silex. Oui. Tu me disais que ça avait commencé au Zénith, donc ça a quand même pas mal pris d'ampleur depuis le début. C'est la quatrième édition? 17e édition. 17e, donc 17 ans? Non, on a commencé en 2004. Okay. Il y en a eu 4 la première année. Donc, OK. Puis après ça, on est tombé à 2 par année. Les 3 premiers se sont faits au Zénith. Puis après ça, je me suis fait offert d'aller à l'atelier Silex, qui est bien plus cool parce qu'il y a 3 salles différentes. C'est ça, c'est plus grand un peu, là. Oui, puis c'est une galerie d'art. Puis là, c'est pas un bar, fait que le monde écoute là, vraiment le spectacle. Fait que c'est vraiment, vraiment accessible. Est-ce que vous allez vendre quand même, je sais pas, de l'alcool? Est-ce que ça va être disponible aussi? Oui, un permis d'alcool, okay. Oui. Okay. Ouais, ça, y a ça pas c'est bien. Oui, puis c'est pas trop cher. Là, OK. Et ça, c'est à partir de 8 heures? 8 heures pile, parce qu'il va y avoir 4 à 5 heures de spectacle, fait qu'on peut pas commencer plus tard. C'est ça finit tard, là? Ouais, puis on a un punch d'ouverture assez particulier, okay. Fait que si vous voulez pas manquer ne pas ça... Manquer. Ouais, il y a une exposition là-bas, c'est un mur de briques, là, puis en tout cas, j'en dirai pas plus long. Okay. Alors, on peut s'acheter des billets en pré-vente en ce moment? Oui, à l'atelier Silex même. Où, l'atelier Silex, on pourrait donner l'adresse. Oui, c'est 1095 Père Frédéric. 1095 Père Frédéric. Ça croise la rue Champflot, l'ancienne gare. Oui, c'est ça. C'est pas très loin de la gare, en fait. C'est juste en face. L'ancienne. Ça a déjà été une caserne de pompiers puis une fruiterie, ça, je pense. Ah. Fruiterie avec des fruits. Ouais. OK. Ouais. Et non pas des fuites. Mais ça va faire 30 ans l'an prochain que ça existe, cette place-là. Yep. Ah. Yep. Pour les gens qui veulent plus d'informations sur le Festival international de musique universelle, c'est fimu-tr.blogspot.ca et aussi sur Facebook, si vous cherchez la phrase complète Festival international de musique universelle de Trois-Rivières. Et les adresses sont sur assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com, c'est pas mal simple à retenir, ça. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le FIMU 2012? Francis, je te laisse le dernier mot. Oui, il y a Marie-Annick Châteauneuf qui est percussionniste aussi, qui est assez connue à Trois-Rivières, avec Guy Boclé. Guy Boclé, lui, il fait de la musique contemporaine, mais là, j'y ai donné des consignes. Il faut qu'il fasse du rock un peu. Okay. Puis, il ramasse plein de morceaux de métal dans l'atelier Silex qui va faire une pièce à partir de ça. Ouais, c'est super intéressant. Cool. Puis à part ça, je les nommerai pas toutes. Là. Il y a plein d'affaires. Ça va être super cool. Des vrais. Et on rappelle que c'est samedi 15 septembre 20h à l'atelier Silex, le FIMU 2012 Rock Pop-Up. Oui. Merci Francis Arsenault. Merci beaucoup. J'ai amené une pièce. Oui, on va la jouer tout de suite. Est-ce que tu veux nous la présenter? Oui, c'est quoi déjà le mot? C'était ça. Je te donne ça. Que je t'ai amené. Ça, c'est de l'expérimental d'ouvrir et fermer. Papa Boa, c'est un groupe quand même de quelques années, mais Rémi Leclerc joue là-dedans en percussion. Bernard Falaise, il est guitariste dans cette bande-là. Puis il y a Michel Faubert qui fait le texte dans cette pièce.

La pièce Jean Baribeau de Papa Boa sur l'album Tête à queue. Et ça, c'est un hommage à l'écrivain folklorique québécois Jean Baribeau. Donc, c'était dans le cadre du Festival international de musique universelle qui a encore une fois lieu samedi 15 septembre, 20h pile à l'atelier Silex. Et on remercie une autre fois Francis Arsenault de nous en avoir parlé. On termine cette première heure de l'émission avec une pause, puis après ça, on revient. Hein? On revient avec Anne-Julie Durocher qui va nous parler d'une série télévisée. Ouais, une série télévisée. C'est fun, ça. Ouais. C'est The Walking Dead, je pense. Hein? Tamblin, ça. C'est ça. Yeah. Vraiment bon. Oh, ça va être sanguignonnant. Je pense. On a aussi Jasmine Raymond Dréville, les 5 chroniques sur la GUQTR. Restez là. C'est fou depuis un bout. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 13 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Oui, on est en studio avec là, la galerie vient d'arriver, la galerie du mardi, en fait, mais on est jeudi, fait que ça a comme moins de sens. Là, mais... Du mercredi, par exemple. Mercredi, excuse-moi, ouais. C'est vrai. Ça, je voulais dire. Ah oui. C'est ça que t'as dit. Ça, j'ai dit, je pense. T'as juste mal compris. OK. C'est moi qui ai un problème. Ben oui, c'est ça. Aussi. C'est jamais ma faute. J'ai la maladie de la stachose, comme dire l'autre. La stachose. La stachose. C'est à cause de quelqu'un d'autre. Ah. Oh, c'est drôle. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, oui, c'est ça. Jasmine Raymond-Réville et Anne-Julie Durocher sont avec nous. Le duo dynamique que tout le monde adore. Oui. Faisons ça. La dynamique est là ce matin. Ça a l'air de bonne humeur, ce monde-là. Matin. On est de bonne humeur. On est de bonne humeur, mais on est juste comme... Pas pépé. Mais t'as l'air déjà plus pépé que tantôt. C'est parce que je t'ai m'acheté un café. Ah, hein? Fait que j'ai. Ah non, ben non, j'ai pris une gorgée, mais tu vois déjà les fêtes. Ok, ouais, c'est ça. Donc, on va commencer avec toi, Anne-Julie, ça te dérange pas trop? Ben non. Pour ta chronique, l'index. Ouais, hein, j'ai trouvé un nom. C'est beau, hein, t'as pas encore de chanson, mais au moins t'as un nom. C'est beau. Comment? C'est beau. Non, mais t'as barré tantôt à François Landry, c'est lui qui a trouvé mon nom de chronique. Pourquoi l'index? Hein? Pourquoi l'index? Parce que je peux mettre. Tu mets le doigt dessus. Mais tu peux mettre le doigt dessus. C'est bon, ça. Tu peux mettre des choses à l'index. Tu peux pointer du doigt. L'index, comme dans un livre, là, tu as l'index des mots, hein, c'est ça. Mais tu peux aussi mettre des choses à l'index, genre, que t'en parles pas. Tu sais, c'est comme négatif, je sais pas comment l'expliquer. Mm-hmm. Fait qu'en tout cas, tu sais, il y a comme plein de sens à l'index. Puis vu que je parle d'un peu de tout et de n'importe quoi, fait que l'index, ben, je trouvais que ça avait un peu un sens qui allait de tout et n'importe quoi. Exactement. Et puis le mot index, évidemment, les lettres veulent toutes dire quelque chose. T'sais, index, t'sais, t'as I, ça veut dire... Intelligente. Intelligente, ouais. Oh. N, ça veut dire... Naturel. Naturel, OK. D. Délicate. Okay. Oh, délicate. Extraverti. Et X. Oh, défi. Xylophone. Bon, original. C'est le premier mot qui vient en tête, hein, avec un X. Ouais. Extrême. Ça commence par... Bon. Ouais, mais le X, tu le mets plus gros. Ah, OK. Bon. Si ça marche de même. On arrête les niaiseries. Anne-Julie, tu nous parles de quoi aujourd'hui dans ta chronique? Je vous parle de la série The Walking Dead, qui est une série américaine qui est tirée d'une bande dessinée. En fait, une bande dessinée qui est sortie depuis 2003. C'est Jasmine Raymond-Drainville qui m'a fait découvrir cette merveilleuse série-là. Ouais. Donc, et que je suis vraiment tombée en amour avec la série. C'est une série qu'on peut qualifier un peu de horreur dramatique, là, mais faut être un peu chochotte, comme je trouve, pour avoir peur là-dedans. Il y a des zombies, déjà, en partant, ça fait peur, tu sais. Ouais, mais tu sais, mettons, tu fais pas écouter ton enfant de 8 ans cette série-là. Mais, parce que c'est épeurant. Ouais, ça va être épeurant pour un enfant de 8 ans. Mais si tu l'écoutes comme à 22 ans, 20 ans, 16 ans, t'auras pas tant peur. Mais il y a... C'est beaucoup stressant. De sang. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est vraiment stressant comme série. T'as vraiment comme de l'action vraiment tout le long de la série. Puis c'est vraiment stressant. Puis oui, il y a du sang, oui, il y a de la violence, mais c'est pas quelque chose qui fait peur nécessairement comme une série télévisée. Donc, cette série-là est présentée sur la chaîne AMC depuis octobre 2010. On en est maintenant rendu à la troisième saison qui va sortir au mois d'octobre, je crois le 14 octobre du prochain mois, tu sais. Hein? Mm-hmm. Puis, c'est ça, donc c'est la troisième saison. La première saison comportait seulement 6 épisodes. Oh, c'est court. D'une heure, au moins? Oui, d'une heure. Ben, moins d'une heure à 40 quelques minutes, ouais. Donc, c'est ça. Et la deuxième saison, 13 épisodes. Puis finalement, il y a eu une commande de 16 épisodes pour la troisième saison. Wow. Donc, on voit que ça gagne vraiment ça en popularité. Bien. Oui, oui, vraiment. C'est sur la même chaîne que Mad Men, ça, je crois. C'est en plein, ça. Donc, ça. Qualité chez AMC aux États-Unis. Oui, oui, oui. Donc, la série présente, en fait, le personnage de Rick Grimes, qui est un agent de police qui, après un long coma, sort de l'hôpital et se rend compte qu'en fait, la quasi-totalité de la population est transformée en zombie. Puis, donc... Quasi, parce qu'il reste quand même des humains au travers de ça. Non? C'est ça. C'est ça, il reste quelques humains. Pour l'instant. Après l'autre, ils vont, j'imagine, se transformer en zombies. Ben ça, c'est ce qui est intéressant, en fait, de voir. Puis c'est justement toute la dynamique de groupe et tout ça. Rick Grimes sort de l'hôpital, bon, d'un coma. Et veut essayer de retrouver sa femme et son fils. Et la série se déroule à Atlanta, ainsi que les petites villes autour que je ne connais pas le nom. Donc, c'est ça. Donc, il va à Atlanta et va trouver, dans le fond, d'autres escapés du zombieisme. On fait des mois, Martin. Donc, il va devoir apprendre à survivre dans ce nouveau monde-là. Et, mais ça l'aide parce qu'il est policier, tu sais. Ouais, c'est ça. Il sait comment manier les guns. Tu sais, une couturière, peut-être. Pas. Non, mais c'est ça. C'est justement, je trouve, qu'est-ce qui est merveilleux de la série, c'est que tu trouves des gens un peu de tout horizon qui doivent apprendre à cohabiter ensemble, faire face à la mort de proches qu'ils connaissaient pas il y a pas si longtemps que ça. Parce que, dans le fond, ils essaient de s'entraider, mais aussi, c'est une situation d'urgence, une situation de crise. Donc, on sait que, mettons que ça arriverait dans la vraie vie, mais tu sais, il y a moins de nourriture, moins d'eau, moins d'endroits où se loger. Tes besoins primaires sont moins... T'as moins de services pour... pas de services. C'est moins facile. Moins, de c'est ça. Ouais, ouais. Fait que là, ils rencontrent d'autres personnes qui sont pas des zombies. Fait qu'il y a toutes ces interactions-là qui sont vraiment le fun, je trouve, et qui sont super bien développées dans la série The Walking Dead, en fait. Est-ce qu'ils cherchent la cause? J'imagine un peu, non? Ils cherchent pas... Non, moi aussi, je m'attendais à ce qu'ils cherchent comme pourquoi ils sont des zombies. On en apprend, on a des informations tout au long de la série, mais c'est pas leur but premier. Leur but premier, c'est vraiment d'essayer de survivre. Il y a jamais de flashback vers le avant? J'essaie de me souvenir. Je crois qu'il y en a un peu, mais c'est plus comme des flashbacks au tout début de l'épidémie. Okay. Parce que nous autres, la série commence, t'as le policier qui se réveille du coma, puis on sait pas ce qui se passe. Mmh. On sait pas ce qu'il y a eu, non, on sait pas. Non, c'est ça. Donc on en apprend un petit peu au fur et à mesure que la série se développe. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ça? Ce qui est aussi le fun à propos de ça, c'est bon, ok, je suis une fille là, qui parle de zombies et je trouve ça vraiment le fun. Au moins, tu parles pas de vampires et de loups-garous, Twilight. Non, c'est ça. Je suis pas vraiment une fan de Twilight. C'est vraiment les zombies. Donc le folklore des zombies, en fait, est quand même relativement respecté dans la série. Donc si vous êtes fan de zombies, vous n'allez pas être comme déçu de... Ils brilleront pas au soleil, il n'y aura pas de... Non, c'est ça. C'est pas comme dans Twilight. Ouais. Ben, même s'il n'y a pas de zombies dans Twilight. Là. Donc, tu sais, on parle encore que par une morsure, tu vas être infecté. Ouais, le classique. Oui, oui, c'est ça. Ça marche un petit peu lentement. C'est pas très beau. Mais quoi que... parce que je suis allée lire avant de faire cette chronique-là là, sur les zombies et tout ça. Ah oui, OK. Puis le monde... Ah oui, oui. Mais je tripe tellement sur cette série-là. Je trouve ça tellement le fun, tellement bien fait que ça me faisait plaisir d'aller chercher des informations sur les zombies. Tant mieux. Est-ce que ça t'a intéressé à lire les bandes dessinées de Walking Dead? Je sais que je t'interromps dans ce que t'allais avancer. Ouais. Ouais. Mais non, je suis pas... Je ne lis pas les bandes dessinées dans la vie. Je ne suis pas fan. Mais les critiques, en fait, en faisant ma recherche, disaient que... Sans être vraiment pareil, ça se ressemblait. T'es pas déçu. Puis c'est le monde était relativement content justement à cause que de comment la série est montée puis présentée puis l'action qui se déroule super vite puis t'es toujours en mouvement en, ouais, sur le qui vive. Ouais, c'est ça, fait que puis bien sûr comme toute bonne série il te laisse à la fin d'un épisode et t'as hâte d'aller voir le prochain. Non. Précédemment dans The Walking Dead. Ouais, c'est genre. Ça. Mais ouais, c'est ça, donc toutes le folklore du zombie est vraiment comme plutôt respecté dans la série là, que ce soit le cadavre en décomposition, l'attirance pour les humains. Puis bien sûr, tu sais, on développe aussi un peu des petites théories par rapport aux zombies là, comme comment qu'on devient zombie, puis des choses comme ça. Fait que c'est intéressant, je trouve. Puis il y a aussi avant la saison 2, ils ont fait des web épisodes. Oui. Donc qui ont bien fonctionné, il y en a 6. Qui dure environ entre 2 et 5 minutes. Puis là-dedans, on y raconte le destin d'une des zombies qu'on voit apparaître dans l'épisode pilote, le premier épisode de la série. Donc, je ne les ai pas regardés encore. Les commentaires sont bons. Et c'est dès que j'ai fini la saison 2, en attendant la saison 3, je vais écouter ça. Parce que tu as écouté les deux saisons, les deux premières saisons en rafale. Et là, la troisième commence et tu vas vouloir les regarder à chaque semaine, j'imagine. En fait, il me reste 2 épisodes pour attendre la saison 3. Et oui, ça va être excessivement difficile d'attendre semaine après semaine. Tu pendant quoi? Tu as dit 15, 16, 16? C'est le 14 octobre. Non, mais je veux dire le nombre d'épisodes, okay, oui, fait que tu vas la regarder à longue échelle. Ouais. Ah, 16, ça va être long. T'as acheté les DVD ou les Blu-ray, quelque chose du genre, des deux premières saisons? Ben, les DVD, c'est ça, sont en vente à peu près, là, dépendamment où vous allez les acheter. Là, c'est pour la saison 1, 26$, étant donné qu'il y a 6 épisodes. Ouais. Est-ce qu'il y a les webisodes dessus? Je le sais pas. Je le sais pas. Puis, mais ça se trouve sur Internet parce que je suis allée regarder. Okay. Là, on a comme accès, même si on est au Canada. C'est bon. Ça se trouve super facilement. Puis 45$ pour la deuxième saison. Mais c'est des séries de chaînes américaines câblées de luxe. Donc, tu sais, c'est comme HBO, c'est des chaînes payantes. Donc, c'est sûr que leur DVD coûte plus cher aussi. Oui, s'il te plaît, ça. Mais je dirais que ça vaut excessivement la peine. C'est un bon divertissement, mais en même temps, c'est quand même stressant. Stressant. Oui, mais c'est le fun. Tu sais, c'est pas plate. C'est pas aussi stressant que Breaking Bad, parce qu'il paraît que ça, c'est la plus stressante à regarder au monde. J'ai pas regardé cette série-là, non, mais je suis vraiment fan de séries. Je vais pouvoir vous en reparler tout au fil de la saison. C'est ça. Puis, quand même, là, les critiques, comme j'ai dit, c'est super bon. Là. C'est super bon. Ils ont été en nomination, justement, aux Golden Globes en 2010. Contre plein de bonnes séries là, on a parlé de Mad Men tantôt puis tout ça. Finalement c'est Boardwalk Empire qui a gagné. Les mais... mais ça a l'air que c'est bon ça aussi donc. Tu rajoutes ça à ta liste et puis. Non mais j'ai fait la liste l'autre jour, je pense que je suis présentement comme 14 séries. Ouais, ça serait... En même temps. En même temps. Moi aussi, j'ai fait une liste. C'est difficile à choisir la priorité de quel regarder en premier. Puis j'ai comme les dates de quand ça va recommencer. Oui. Parce que là, ça recommence bientôt, puis je suis énervée. Moi, j'ai la technique, et je sais que c'est pas pour tout le monde, cette technique-là, mais moi, c'est je regarde pas une série, en tout cas en majorité, avant qu'elle soit terminée. T'sais. Parce que j'haïs ça, attendre. Pas capable. Fait que 3 saisons, back-to-back, tasse-moi ça de là, c'est fait, ça regarde. T'sais. Moi aussi, j'aime ça, mais pendant l'été. Mais là, tu sais, comme How I Met Your Mother, puis tout ça, ils sont rendus, je pense, à comme 7-8 saisons. Fait non, c'est dur à regarder, mais... Je les ai écoutés comme les 6 premières saisons en rafale, mais là... J'ai écouté les 7 premières saisons de The Office, mais tu sais, à longue échelle, là, plusieurs fois par jour, tu sais. Mm-hmm. Puis tu passes au travers, mais faut pas que tu regardes de télé live pendant ce temps-là, parce que sinon tu perds le fil. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment bon. Puis c'est ça, écoutez The Walking Dead. Puis malheureusement, c'est ça, c'est pas présenté au Québec encore. Donc on va attendre des dates pour le Québec. Sinon, procurez-vous-les sur DVD. Exactement. On se quitte avec l'intro de The Walking Dead. Puis on revient après avec Jasmine Raymond-Dreville. C'est là. Hot Panda et la pièce Language sur leur nouvel album Go Outside. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Ah, j'avais oublié qu'on avait trouvé la bonne qualité et écoutable et qui s'entend à la radio de la chanson thème de The Walking Dead. Epic! C'est menaçant, hein? C'était peur. Ouais, j'ai le goût d'en écouter, là. Oh, oh. J'ai pas le goût de travailler, puis j'ai le goût d'aller écouter ça. C'est ça que ça fait la TV. Hein? Je peux comprendre François Arsenault d'avoir dit non, plus de TV. Plus de TV. Plus de TV. Ça règle le problème. Ouais. Donc, voilà pour The Walking Dead. Maintenant, on accueille Jasmine Raymond-Dréville. C'est la chronique de la GQTR. Salut, est-ce que tu veux jouer de l'instrument de musique avec nous? Mais j'ai rien. Bon, laisse faire. J'en ai ramené. AGQTR, AGEQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTA parce que la GEQTA, ça pas d'âge. Yo, pro. Peut-être t'as tout défait l'illusion en disant que t'avais pas d'instrument alors que t'en avais clairement dans l'intro. Je m'excuse, ouais. C'est bien mieux. Ouais, ça a été fait l'année passée. C'est ça. Ouais. On l'a fait live à chaque semaine, si tu veux dire. Oui. Donc, Jasmine, chronique AGEQTR aujourd'hui. Grosse journée aujourd'hui. Oui, donc comme je vous en avais parlé la semaine passée, aujourd'hui est le party de la rentrée de la GEQTR. Le seul. Oui, donc depuis 7h, donc depuis à peu près 1h30, là, ils ont commencé à installer la scène, là, c'est ça. Donc ça va être une grosse journée. Je commence tout de suite en faisant appel aux bénévoles. C'est des personnes qui n'ont rien à faire aujourd'hui. Oh, vous êtes à la recherche encore de bénévoles? Ben, en fait, on n'est pas activement à la recherche, mais en fait, ben oui, là, parce qu'on en a toujours besoin. Personnes se sentent généreuses, chaque minute est appréciée. Donc, mais qu'est-ce que vous recherchez particulièrement pour les bénévoles? Quel talent! Je pense que c'est une journée pour laquelle il y a toujours des petits trucs à faire auxquels on ne pense peut-être pas d'avance, je veux dire. Donc, tu sais, on a des loges à monter, du ménage à faire dans nos bureaux pour monter les loges. Il y a aussi une loge qui va être dans le 10-12, donc du ménage à faire là, de l'installation. Ce matin, ils montent la scène, donc ils ont besoin de bras, de pas mal de bras. Donc, s'il y a des petites filles qui veulent venir, peut-être plus d'une nous aider à faire du ménage. Hein? Hey, t'es donc là, on est quoi, les années 50, c'est quoi, là? Anjali va réagir. Ouais, je vais réagir, Jasmine. Non, en fait, non, mais vous pouvez venir, bien sûr, mais c'est quand même... j'avais aidé un peu l'an passé, puis c'est quand même difficile, ouais, forcément. Puis, c'est ça. Donc, ça commence le show. À 22h, donc ce soir, ça va être au 10-12. On commence avec le groupe Orange Orange. Je sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent. Ah, c'est fou, on en joue beaucoup. Oui, je pense qu'j'en ai entendu l'autre fois. Mm-hmm, oui. Tout à fait. Donc voilà, moi je connaissais pas beaucoup ça. Puis hier, j'étais allée écouter pas mal tout ce qui est disponible sur Internet. Puis pour vrai, ça va être vraiment un bon show. C'est vraiment cool. En fait, c'est un duo qui est un couple dans la vie. C'est formé de Dom Amel et de Sabrina Sabotage. Sabotage. Je doute que c'est pas son vrai nom. Je sais pas. Hein? Donc voilà, c'est un duo électro-rock. Puis en tout cas, j'ai jamais vu en vrai, mais je suis sûre que ça promet d'être super énergique, super super le fun, là. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Les autres vont jouer au 10-12. Oui, c'est au 10-12 à 22h. OK. Parce que cette année, il y a comme une nouveauté. Oui, dans le fond, il y a un show à 22h, puis ensuite, à 23h30, il va y avoir deux spectacles simultanément. Un à la Chasse-Galerie, puis un au 10-12. Pour deux publics assez différents. Oui, quand même. Donc, il va y avoir au 10-12 Carl Wolf, qui est un artiste plutôt pop, dont la musique joue peut-être plus dans les radios commerciales. Puis dans les bars, branché, les gens vont danser. C'est un DJ, c'est un chanteur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est pas mal tout ça, je pense. Ah ouais, okay. Ouais. C'est pas mal. On avait tous raison. Je suis sûr qu'il danse en même temps aussi. On l'a comparé à un artiste, quel artiste? On l'avait comparé à quelqu'un, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit ça, je me rappelle pas. C'était pas Pitbull. Tantôt, on a parlé d'un... Oui, Pitbull. Pitbull, hein, c'est ça, Pitbull. Je connais pas ça, par exemple. Mais bref, en tout cas, ceux qui veulent danser, là... Allez là, c'est ça. Donc j'imagine que les gens vont danser en masse. Les gens vont pouvoir danser aussi à Orange Orange. Oui. Ben là, les gens peuvent danser où ils veulent là. C'est, on vous empêchera pas, mais Irish Bastards. Mais oui, ça aussi, ça déménage. C'est très dansant, swingant. Mais oui. Mais c'est pas le même type de. Du tout. Pas en tout le même type de truc là, c'est ça. Et le son se rendra pas d'une salle à l'autre là. On s'est assuré que le son reste dans chacune de ces salles. Ben tout à fait. De toute façon, quand on est dans une, un show là, habituellement, on n'entend pas notre voisin à côté. Donc je pense que d'entendre ce qui se passe dans la salle plus loin, en tout cas, d'après moi, il y aura pas de problème là. En fait, il y aura pas de problème, mais je vous l'assure. Je prends ça sur moi. Donc voilà, c'est ça. Comme on a dit, Carl Wolf au 10-12. Donc ceux qui veulent danser là. comme dans un bar un peu. Là. Vous ça pouvez, va être chaud. Vous pouvez aller là. Oui. Ça va sentir le axe, là, ça va être... Ouais. Puis après ça, à la Chasse Galerie, il va y avoir Irish Bastards, comme vous avez dit, donc... C'est cool, ça, il y a des étudiants de l'UQTR hein, qui jouent là-dedans. Est-ce que je me trompe? Je le sais pas, mais je sais que c'est québécois, là. Mais je le sais pas pour vrai, s'il y a des gens de l'UQTR là-dedans. Semble, j'ai fait, pas été là jusque dans mes recherches. Mais jusqu'à hier, je pensais pas que c'était un groupe québécois. Fait que... voilà, je vous annonce que c'est un groupe québécois. Je viens de l'apprendre. C'est ça. Donc, c'est peut-être le nom là, qui nous trompe. Ils sont de Montréal. Puis, ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, au départ, eux, ils faisaient de la musique traditionnelle québécoise. Puis finalement, c'est comme plus ça pas en tout. Mais c'est encore traditionnel, mais pas du Québec. C'est comme du rock à Billy. Ben, de l'irlandais, là. Ben, genre, c'est ça. Ouais. C'est ça. Dur la musique de taverne, là. La musique de taverne. Comme un peu du Flogging Molly, ouais. Je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Me dit Dieu. Dieu. Dieu. Non, je suis pas sûre. Donc, Dieu ici étant François Landry, là. C'est ça. Donc, ceux qui veulent aller plus se défouler, là, aller à la Chasse-Galerie à 23h30. Puis ben, après ça, ça va se poursuivre jusqu'à... Après ça, c'est ça, on peut continuer la fête. Ben oui. Jusqu'à pas d'heure. Il faut. Jusqu'à 3h. Jusqu'à 3h parce qu'après légalement, ça... Légalement, pas une minute de plus. C'est ça. Après ça, ça va se coucher. Voilà. Hein? Se coucher, oui, oui. Slash aller à un restaurant et ensuite faire la fête dans un appartement. Quelque chose Les gens, c'est ben pas cette soirée-là. C'est laissé à la liberté de chacun. Là, hein? Ils peuvent aller continuer à danser parce qu'on peut danser partout. On va pas chez vous? Non. Okay. J'ai un chat. Les gens sont allergiques. J'ai un chat. C'est ça. Donc, c'est ça pour le party de la rentrée. Puis, tantôt, j'ai parlé de bénévoles. L'association qui va fournir le plus de bénévoles, vous n'êtes pas obligé d'être étudiant là, si vous voulez être bénévole, bien sûr, mais l'association... étudiante qui va fournir le plus de bénévoles va se voir remettre les profits du barbecue. Oh, puis le barbecue fonctionne pas mal habituellement là, au party de la rentrée. Ça donc cool, les hot dogs se font aller. Là, c'est ça. Donc, est-ce que ça compte pour la Coupe des Assos? Est-ce que ça existe encore, non. La Coupe des Assos? Oui, ça existe encore, parfait. Mais ça ne compte pas là-dedans. Parfait. Mais d'argent quand même. Mais oui, les assos, non, de l'argent. C'est cool. Non, c'est cool. Hein? D'argent voilà, en ou plus des de points nous aider les... et d'avoir notre reconnaissance éternelle. Oui. C'est ça. Donc, c'est tout pour le... François Landry, Dieu, alias Dieu, elle n'a pas de l'assure. Bon, c'est ça. Donc, sur ce scepticisme, on va passer à la prochaine activité. Allons-y! Donc, mardi prochain, aura lieu une initiation au Power Yoga. Oh. Le Power Yoga, c'est comme du yoga, mais branché dans le mur, c'est ça? Ben, c'est en plein ça. Ben, j'ai une petite description aussi, parce que moi, j'étais certaine que c'était comme... les postures de yoga, mais tu sais, qui forcent plus, qui sont plus comme, tu sais, musculaires, là. Oui, moi, oui. Dans ma tête, c'est vraiment ça. Ça a du sens. Ben, finalement, là, j'ai trouvé une petite description, là, sur Internet. On dit que c'est un cours de yoga. Oh, il y a des fautes de français. Cours de yoga qui stimule le travail du système cardiovasculaire en utilisant des postures de manière dynamique. Ben, c'est à peu près ce que tu disais, non? Oui, c'est ça. Donc, cette activité permet aux participants d'exécuter des mouvements précis tout en les enchaînant à un rythme rapide. Moi, je pensais attaquer. Pas que c'était rapide. Mais déjà, du yoga, apparemment, c'est assez difficile à faire. Donc, là, Power Yoga... C'est ça. C'est rapide en plus. Ouais. Voilà. C'est juste plus rapide. C'est pour les experts. C'est comme Dance Dance Revolution. Mais non, arrête. Ça s'adresse à tout le monde. OK. Oui, c'est ça. Ben, initiation. Oui, mais il faut avoir... Non, mais je veux dire dans le sens que si le yoga, c'est compliqué, il faut connaître le yoga pour s'initier au Power Yoga. Non. Tu commences directement par le Power Yoga? Ben, tu peux. OK. Ah, après, je sais pas, moi. Je pense pas, en tout cas. Je connais pas ça. Ben, je pense pas. Je pense que c'est... Ah, tu peux te présenter. Je pense pas que ça étant... tu souhaites tant semblable okay, que ça. OK, tant mieux. Est-ce que les stretchings sont obligatoires ou... Ben, je pense que vous vous habillez comme vous voulez, en fait. Là. ben, en fait, cette activité-là est ben, de un pour se déstresser de ce début de session déjà stressant. Vous me connaissez, hein? Oui. Donc, t'es stressé. C'est ça. Mm-hmm. Tout le temps. Donc, t'as pas voilà. l'air à ça en vrai, mais à l'intérieur, puis... tu te sens stressé. Oui, c'est ça. Donc, fait voilà. Donc, tu puis... vas faire du power yoga. Oui, je vais y aller. Ouais. Oui, je vais y aller. Il y a deux séances. C'est de la première de 13h30 à 14h, puis la seconde de 14h à 14h30, donc une après l'autre. Une demi-heure, oui. Une demi-heure, une après l'autre, puis ça va être un ou une prof de power yoga qui va venir donner ça, donc une personne qui s'y connaît. Puis, ben, en plus de défouler les étudiants, là, ça va nous permettre de profiter des espaces verts que nous offre l'UQTR, ce qui était un des buts du vice-président aux affaires socioculturelles. Lui, il voulait vraiment comme développer cette idée-là de profiter de tous les espaces verts que nous offre le campus. D'ailleurs, il y a de très belles journées encore. Là, mais dehors, il est encore super beau. Ouais, c'est ça, exact. Donc, allez-y. Pas en profiter. En fait, il n'y a aucune inscription qui est nécessaire. Puis ça coûte rien. C'est totalement gratuit. Puis il faut aucune pas avoir raison peur de... Ouais, c'est ça. Faut juste pas avoir peur de faire rire de soi. parce qu'on est plus ou moins flexible. Mais je pense pas que, me semble, yoga, rire des autres, dans ma tête, c'est... Non, c'est ça. Je pense pas qu'il y a du monde qui va aller là pour vraiment rire d'autrui. Non. Ben, c'est ça. C'est tout? Ben, c'est tout. Je vais vous revenir la semaine prochaine, mais là, c'est en massant pour une semaine. Oui, c'est beaucoup. Parce qu'il y a des cours à travers tout ça. Oui. Donc, partez de la rentrée ce soir, puis on s'en remet mardi en faisant du power yoga. Super. Ben, Anne, pas Anne-Julie, voyons, elle connaît quand j'ai eu la musique en arrière, elle me fait dire Anne-Julie. Jasmine! J'ai oublié un petit détail. Vas-y. C'est au Michel Sarrazin. OK, ça, c'est le pavillon psycho, hein? Oui, donc les gens peuvent se rejoindre dans les escaliers derrière le pavillon, là, puis tu fais on bien va de s'occuper d'eux après. Et puis, les agendas, vous en avez encore à vendre? Oui, on en vend encore au bureau de la GE, donc au 1001B Néré-Beauchemin, derrière la chasse-galerie que tout le monde connaît. Okay. Puis, y a les officiers de la GE tiennent une permanence au local 22-18 du pavillon Albert-Tessier à chaque semaine. Donc, chacun passe une fois par semaine. Puis, l'horaire va être affiché dès ce matin pour savoir à quel moment les agendas. Et dans le hall d'entrée, c'est fini? C'est fini. OK. C'est fini, mais on en va encore au 22-18 Albert-Tessier et dans les bureaux de l'AGE. Parfait. Et 22-18, c'est devant la cafétéria. C'est ça? C'est celui-là? Oui, à côté de la bibliothèque. Merveilleux. C'est toujours 4 $ et puis, la semaine prochaine ou bientôt, est-ce qu'on va se reparler du poste de la présidence? Est-ce que ça avance? Je voulais en parler, j'ai complètement oublié. Okay. En fait, le poste est encore ouvert. S'il y en a qui veulent venir poser leur candidature, vous pouvez venir chercher les formulaires nécessaires à l'AGE, soit en fait la politique électorale à remplir, à signer. La politique d'implication des officiers ainsi que... Ben, des noms, là, il faut ramasser des noms. Oui, il faut ramasser des noms dans le formulaire de mise en candidature. Okay. Puis l'étudiant ou l'étudiante intéressée doit être étudiant à l'UQTR, évidemment. Puis doit nous fournir, pour prouver ça, une copie de son horaire de cours. Ils ont jusqu'à lundi 17h pour nous remettre les documents au bureau de la GE. Lundi à 17h. Et le président va être choisi quand? Ça va être... ben, en fait, il va y avoir un... ça va être mardi. Il va y avoir élection le lendemain d'administration. Ouais. OK. C'est ça. C'est noté. Merci, Jasmine, Raymond, merci, Réveille. Merci. À la semaine prochaine. Et là, on va revenir, vous deux, Anne-Julie et Jasmine, à votre journée d'origine. Oui. Et normal, c'est le mercredi. Oui. À partir de 7h45. Voilà, c'est dit. La semaine passée, après la chronique de l'AG, on avait écouté du Orange Orange. Cette fois-ci, je pense qu'on devrait écouter du Irish Bastards. Ben oui. Donc, on écoute Cod Liver Oil à Assemblée de l'Amérique. Après ça, on revient, on parle de politique avec François Landry. On s'initie aux élections proportionnelles. I'm a young married man and I'm tired of me life. But lately I've married a nanny, a wife. She does nothing all day, always sits down and sighs. And I wish to the Lord that I only could cry. Oh doctor, Dr. Pierre-Jean, your cod liver oil is so pure and so strong. I'm afraid of me life, I'll go down in the soil if me wife don't stop drinking your cod liver oil. A friend of me own came to see me one day, and he told me me wife, she was spinning away. He afterwards told me that she would get strong if I'd buy her a bottle from Dr. Virgin. Oh, Dr. Virgin, your cod liver oil is so pure and so strong. I'm afraid of me life, I'll go down in the soil if me wife don't stop drinking your cod liver oil. I gave her a bottle, but just for the try. And the way that she drank it, you'd swear she was dry. I gave her another, it vanished just the same. And I think she's got cod liver oil on the brain. Oh doctor, Dr. Virgin, your cod liver oil is so pure and so strong. I'm afraid of me life, I'll go down in the soil if me wife don't stop drinking your cod liver oil. House, it resembles a big doctor's shop. It is filled up with bottles from bottom to top. And when in the morning the kettle go boil, I'd swear it was singing out cod liver oil. Oh doctor, Dr. Virgin, your cod liver oil is so pure and so strong. I'm afraid of me life, I'll go down in the soil wife, don't stop drinking your cod liver oil. Retour, la chronique politique de François Landry à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Lundi. À Assemblage Requis. Sébastien Dulude nous raconte une aventure UQTRienne dont vous êtes le héros. Et on accueille notre nouvelle chroniqueuse, Véronique Mire, du Bureau de la réussite étudiante. C'est à Assemblage Requis lundi dès 7h. Ah, c'est fou! Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. Il est 8h33 minutes avec François-Olivier Marchand. Salut. Et Mathieu Plante. C'est bonjour. Bonjour. Bon matin. La main ici. tu sais, la semaine passée avec François Landry, on avait commencé à parler un petit peu d'élections proportionnelles. On avait dit, tu sais, c'est compliqué, mais on va en parler pendant une chronique au complet. Là. Ben, cette chronique-là, devine, c'est quand? C'est là. C'est pas mal là ou encore dans 3, 2, 1, là. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Royal. Et dans le rôle des élèves qui vont essayer de comprendre tout, Jasmine Raymond-Lévy. Salut! François-Olivier Marchand. Ouais. Et Mathieu Plante. Le professeur d'aujourd'hui est François Landry. Bonjour. Et j'ai pas ma pomme. Dans mon bureau. J'ai dans ma boîte à lunch. J'ai des crayons. Ben, t'as plein de disques que tu peux me donner. Mais ils sont pas à donner. Non. Ouais, ouais. Donc, élection proportionnelle aujourd'hui, c'est le sujet du jour et ça a l'air compliqué. C'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut connaître un peu comment fonctionnent les systèmes de vote pour comprendre. Mais si tu veux rendre ça compliqué, je vais t'arranger ça en chronique, Mathieu. Parce que j'ai d'autres exemples qu'on peut vraiment étirer la sauce puis tu vas voir que ça sera vraiment compliqué. Mais tu vas sortir d'ici brillant comme un char shiny, là. Parfait, wow. Moi qui est visuel, je vais m'essayer. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait des feuilles. Hein? Je vous ai fait des feuilles aujourd'hui parce que... désolé, chers auditeurs, parce que... Faut suivre. Faut suivre, OK? Écoutez chaque mot qu'on dit. Hein? Oui, il y a eu le 4 septembre dernier des élections et on a jugé que le Parti québécois, Parti libéral et les coalitions Avenir Québec avaient quand même fini dans un même troupeau. On s'entend qu'ils ont fini avec quelques graines de pourcentage d'écart. Ouais. Parti québécois 31,94, Parti libéral 31,21 et coalition 27,06%. Donc on s'entend, c'est dans le même range. Ouais. Mais par contre, la distribution des votes, des sièges, par contre, Parti québécois 54, Parti libéral 50 et coalition Avenir Québec 19. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le 19. Il y a une disproportion totale. Ça avantage beaucoup plus les partis libéraux, ce système de mode-là. Et le Parti québécois aussi. Le Parti québécois parce qu'ils sont dans les régions, Parti libéral parce qu'ils sont à Montréal. Et Coalition Avenir Québec essaie de se frayer un chemin à travers ça. Il y a un système de calcul pour savoir combien ça prend d'électeurs pour faire élire un parti politique. Je ne vous l'ai pas mis sur la feuille, puis je ne vous en parlerai pas parce que c'est des statistiques, ça, on aime pas ça. C'est des détails. Ouais. Comme exemple, Québec solidaire, ça aurait pris 400 000 personnes de faire élire une personne. Donc, sont deux, ça a pris quasiment 1 million de personnes de faire élire 2 députés. Mais avec 1 million d'électeurs, Parti québécois en aurait fait élire 30. C'est là la disproportion. Donc, c'est, okay. je vous en parlerai pas trop. Je vous avais parlé, quand on a initié le sujet, de regarder les deuxièmes chiffres, la deuxième colonne. Si on répartissait le nombre de sièges versus le pourcentage qu'ils ont obtenu. Donc, Parti québécois, 31,94. Donc, ils devraient obtenir 32% des sièges. 32% des sièges équivaut à 40 sièges. Présentement, ils en ont 54. Parti libéral, 31%. Donc, devrait avoir 31% des sièges, ce qui équivaut à 39 sièges. Mais ils en ont 50. Donc, déjà là, c'est disproportionnel. Et le parti Coalition Avenir Québec devrait, avec son 27%, obtenir 27% de la Chambre, qui représente 34 sièges. Ils en ont 19. Les autres, ils auraient été contents. C'est eux autres qui sont perdants. C'est carrément Coalition Avenir Québec qui sont perdants dans le système actuel. Mais comment se nomme notre système de votation actuel? Ça a un nom, ça? Ça a un nom assez flyé. C'est le système uninominal à un tour. Uninominal à un tour. Uninominal. Nominal. C'est un seul vote qu'on fait. Il y a un seul tour. Donc, on vote pour une personne qui représente un parti politique. That's it. C'est fini. Donc, à Trois-Rivières, on vote Parti libéral. On fait élire Daniel Saint-Amand. On vote Daniel Saint-Amand. On fait élire le Parti libéral. Oui. Donc, ça fonctionne comme ça. L'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre. Donc, t'as pas le choix. Tu veux pas de elle comme député, mais t'aimerais le Parti libéral au pouvoir. Tu peux pas scinder ton vote en deux. Mm. T'aimerais avoir elle, mais pas Jean Charest au pouvoir. Too bad. T'es obligé de faire un vote stratégique qu'on appelle. C'est ça. Ma chum de fille qui est dans Champlain va voter le Parti québécois. Moi, je vais voter le Parti libéral. Donc, c'est comme si on avait fait un échange de votes. Ça annule. Ça s'annule. En même temps, l'autre, tu sais, ça se passe dans les isoloirs, là. C'est ça, exactement. Puis aussi, comme les bonnes vieilles familles, le père qui dit je vais voter contre ma femme, comme ça, nous autres, notre maison va être neutre. Ben, allez donc, pas voter, t'inquiète. Ça marche pas de même. Mais tu dis, non, faut y aller. C'est ça, faut y aller. Ben, c'est une blague, là. Ben, c'est ça. C'est pour les vieux disent, ça, ben, les vieux. Les personnes qu'on citait. Non, parce que c'est mon père qui me comptait ça. Dans mon temps, mes parents, moi, ma grand-mère était libérale, mon grand-père était Union nationale, puis qu'ils annulaient leur vote de même, puis qu'ils disaient. On n'ira pas voter. Mais il y a du monde qui, juste avant de voter, appelait leur copain ou leur copine pour dire « Hey, toi, tu vas voter pour quoi, tu sais? » Exactement. Donc, ça c'est l'échange de votes ou les votes stratégiques. Ouais. Je pars à rire à chaque fois que j'entends ça parce que tu dis « Ah, moi, je suis un gars de gauche, je vais voter Parti québécois. » Tu perds ton vote pareil. Tu votes peut-être. Ça se tient pas. Non, ça se tient pas. Donc, s'il y a uninominal à un tour, il y a aussi des à plusieurs tours. Voilà, Mathieu. Au Québec et au Canada, c'est un tour. En France, c'est deux tours. Mais c'est sur le même système de tu votes pour le candidat. C'est la même chose. C'est juste que nous, exemple, au Québec, le Parti québécois, 31,94% du vote forme le gouvernement. On s'entend que c'est moins de Québécois sur trois qui ont voté pour ce parti-là. Ouais. Mais c'est la majorité. Non, c'est pas la majorité. Ben, c'est le plus grand nombre de votes. Ouais, c'est ça. Il a obtenu le plus grand nombre de votes seulement. Donc, on s'entend que c'est légitime parce que c'est les règles, mais crédible, laissez-moi en douter. Ouais. Par contre, en France, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les deux plus élevés. Donc, une semaine ou deux après le vote du premier tour, ils disent « Parfait, le seulement Parti québécois et Parti libéral du Québec vont s'affronter. » Donc, ça élimine les plus petits partis tout de suite. Ça élimine les plus petits. Okay. Donc, le gouvernement qui va être formé sera automatiquement majoritaire. Ouais. Parce qu'on ne peut pas arriver à 50-50. C'est quasiment impossible. Il faut trancher aussi à un moment donné. Donc, celui qui obtient 50% plus 1 forme le gouvernement. François Hollande, en France, a été élu avec 56-57%. Donc, majoritaire. Donc, il est légitime de gouverner. Donc, ça, on appelle à deux tours. Il n'y a pas de trois tours. Non. Il y a des pays qui ont trois tours. Sauf que là, ça devient compliqué. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gros partis qui sont plus importants. Ou des territoires qu'eux autres forment, des régions qui élisent leurs représentants, qu'eux autres élisent leur province, qu'eux autres élisent le gouvernement central. L'Allemagne, c'est compliqué. Donc, les gens qui chialent quand on va voter une fois par quelques années, là, c'est quand tu y vas 3-4 fois dans le même, quoi, 2 mois? C'est 2 semaines après. 2 semaines, oui. C'est à chaque deux. En France, c'est la présidentielle 2 semaines après, l'autre vote. Donc, c'est pour ça que les taux de participation sont très faibles en France aussi. Ah. Ça avoisine le 50%. Ça fait partie. Mais pour devenir majoritaire, c'est quoi? Tu rajoutes des députés? Comment ça fonctionne? Tu sais, mettons au deuxième tour. Non, du tout. C'est seulement par les votes. Il n'y a pas de député d'élu, rien, juste par les votes. Okay. Donc, le parti de François Hollande, le Parti socialiste, a obtenu, exemple, 30%. Et le parti, l'UMP de Sarkozy, a obtenu 29%. OK, donc tu votes pour le parti et eux vont déterminer leur candidat eux-mêmes? Non. Ça, c'est le premier tour. Tu votes pour le parti politique seulement. OK. Au deuxième tour, c'est là qu'en ayant juste un contre l'autre, donc deux partis au lieu d'en avoir 14, donc tu es obligé d'avoir une majorité absolue, donc 50% plus 1. Et ensuite, là, les députés, selon le OK, les députés se basent expressément sur le deuxième tour. C'est comme le Québec, OK? On revient à zéro. Le Québec. Le 4 septembre, on est allé voter. Mm-hmm. Donc, on a élu Parti québécois le plus grand nombre d'électeurs ont voté Parti québécois et Parti libéral est arrivé en deuxième position. Ensuite, il y a eu Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, Option nationale, Parti vert, Parti communiste, etc. Donc, eux autres, on les élimine. On garde seulement les deux premiers. Parti québécois, Parti libéral. C'est ça. Donc, ça on fait dans un deuxième tour où là, on revote avec nos députés et tout ça. Et c'est pareil comme le 4 septembre ici, mais avec seulement deux partis. Donc, c'est comme s'il y avait une qualification. OK. Mais là, avec la présentation des députés dans chaque comté. C'est ça, exactement. OK. Donc, ça, c'est en France. Donc là, tu votes pour ton député. Pareil comme si tu votes pour ton député qui, lui, représente ta parti. Je comprends. Tu te fais aller, bon, ben, tu deviens le gouvernement avec tes députés. OK. Bon, ça, c'est le système uninominal à un tour. C'est notre... c'est notre système. Donc, c'est le système le plus simple. Donc, c'est ça, c'est vraiment tu comme... Tu votes, puis that's it. C'est basic. C'est ça, le candidat qui a le plus de votes se fait élire, puis le parti qui a le plus d'élus gagne. Le système, on se casse pas la tête. Exactement. Ouais. Il y a déjà eu, par le passé, le Parti libéral en 70, si je ne m'abuse, qui avait remporté plus de députés, mais moins de votes que le Parti québécois. Mais le Parti québécois avait obtenu plus de votes, mais moins de sièges. Ouais, c'est sûr. Donc, il y avait une crise, et la crise d'octobre 70 avait un peu découlé de ça en disant on fait plus confiance au système démocratique pour changer les choses. Donc, ça, c'est une page d'histoire que je pourrais raconter un jour. Au mois d'octobre, ça sent bien. Ça bien. Donc, il y a d'autres systèmes de vote. Il y a le vote alternatif. Nous, on aime ça, on utilise ces radios alternatives. C'est fait. Voilà, alors, tu devrais aimer parce que c'est celui qui est le plus privilégié, mais que j'ignorais totalement son existence jusqu'à la semaine dernière. Je savais que ça existait ailleurs, mais comment ça marchait, aucune idée. Et où? Mais on a eu l'expérience ici au Canada récemment avec l'élection de Thomas Mulcair au Parti néo-démocrate, au Parti démocratique, parce qu'ils ont utilisé le système alternatif pour faire élire leur chef. Et c'est pratiqué pour en Irlande. Le gouvernement irlandais est élu sous le vote alternatif. C'est-à-dire qu'il y a une liste de candidats. Tu reçois dans ta boîte de scrutin une liste. Avec les exemples dans Trois-Rivières, t'es 8 candidats qui se présentent. Là, tu marques à côté un chiffre. Lequel t'aimerais qu'il rentre en premier? Un genre de top, là. Tu fais un palmarès. Genre, exactement ça. Donc, Daniel Sattaman, numéro 1. Jamila Benhabib, je l'aime pas, elle, je vais la mettre numéro 8. Okay. Jean-Claude Landry, Québec solidaire, il est sympathique, je vais le mettre numéro 3, etc., etc. Donc, à la fin, on compile tous les numéros 1 de la circonscription de Trois-Rivières. S'il y en a un qui obtient 50% du suffrage, gagne automatique. S'il gagne pas, on passe au deuxième. Qui est arrivé le plus souvent deuxième? Et on rajoute ça au premier. Ah! Si, exemple, Daniel Sattaman arrive première, mais à 40% des électeurs, mais que c'est aussi le choix de 10% des numéros 2. Des numéros 2. Ça se rajoute au numéro 1. Donc, ça devient numéro 1. Mais 50%, elle se fait élire. Donc, on peut éliminer comme ça. Ça a l'air logique, ça, je trouve. Comme c'est système. Très logique. C'est très simple aussi. On fait un palmarès. C'est ça. On fait un palmarès tout simplement. Elle, je l'aime vraiment pas, mais j'aime son parti. Et c'est elle que je veux pas. Donc, numéro 8, etc. Donc, c'est beaucoup plus sensé. Les avantages, c'est que le candidat n'a pas choisi d'avoir 50% et plus. Oui. Donc, c'est la majorité absolue. Donc, la crédibilité est là. Et c'est aussi beaucoup plus proche des électeurs parce que le candidat... Tu peux voter pour ton parti. Exactement. OK. Et là, tu peux voter vraiment pour la personnalité et pas nécessairement un vote stratégique. Tu dis, moi, je l'aime pas, mais je donne une chance en deuxième. Ça serait mon deuxième choix, mais c'est pas mon premier. Comme au fédéral, pour les élections du nouveau Parti démocratique, on a dit, Thomas Mulcair, ouais, c'est un Québécois, mais il est pas fait pour ça. Je vais le voter en deuxième. Oui. Mais il y a eu combien de tours? Il y en a eu 4, 5, 6 tours avant qu'on dégage une majorité absolue lors du congrès pour élire un chef. Donc là, Thomas Mulcair a réussi à obtenir, avec le cinquième rang, la majorité la pole position en accumulant tous les autres points. Donc, il est majoritaire parce qu'il a fait l'affaire des premiers, des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes, etc. Okay. Donc, le dépouillement, c'est assez compliqué, un peu plus complexe. C'est plus compliqué, ça prend vraiment des personnes qui se penchent, qui rendent des statistiques. Donc, les résultats, la soirée électorale, Bernard Derome ne pourra pas dire après 20 minutes si ça tend dans ce métier. Ça, c'est fatigant, je voulais porter plainte au CRTC. Arrêtez de nous dire les résultats. Quand on rouvre la télé. On vient de commencer. Hey, je m'assois avec du popcorn, c'est comme un film. Tu t'attends à une fin après 2 heures, pas après 20 minutes. Ouais. T'écoutes un talk show à place. Ouais. Mais donc, c'est beaucoup plus long, oui, en effet, mais plus d'après fiable. Moi, c'est exactement, Mathieu, beaucoup plus fiable, beaucoup plus. Ben, fiable, non, représentatif, oui. Ouais, ben les deux. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'apporterais la technique Big Brother dans certains pays où tu donnes 2 points contre à une personne pour l'éliminer, puis 1 point contre une autre personne, puis ceux qui ont le plus de 2 points, ben, c'est ça. Ça pourrait être ça aussi. C'est le même genre de chose. Tu vois pour ceux que tu veux pas voir là. Ouais, c'est ça, genre. Ah, ça serait bon, ça. Pensez-y. Une alternative proportionnelle inversée. Big Brother Yen. Ça devient compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Orwellian. Bon, arrivons à la proportionnelle. Ouais. C'est le plus. Je le garde pour la fin. C'est le plus compliqué. Il me reste un petit peu de temps. L'avant-dernière page, Mathieu. C'est rendu, en gros, proportionnel. Donc, il y a 125 députés à faire élire. Il y a à travers le Québec et un seul candidat par circonscription. Jusque-là, ça va bien. Oui. Comment les votes sont comptés? On utilise une formule est utilisée, une formule mathématique est utilisée pour distribuer les sièges afin de s'assurer que les partis reçoivent une proportion des sièges selon leur vote. C'est une formule qui est assez répandue. Je la connais pas pantoute, c'est la formule DONT. HONT. H-O-N-D-T. HUNT. Ah, HUNT. Donc, ceux qui font des stats ou qui font des calculs ou des ça, vous devrez savoir de quoi je parle ici. Donc, il y a 125 sièges à distribuer selon cette formule-là. Et les candidats obtiennent des sièges selon l'ordre qui est prévu selon le tableau du calcul. OK? Prenons un exemple. C'est très compliqué, excusez-moi. J'ai fait semblant de comprendre. Oui, non, c'est ça. OK, imaginons un exemple très, très simple. Il y a 100 électeurs. Oui. Donc, 100, nous 3 plus 97 autres. Il y a 5 sièges à voter. OK? Et il y a 5 partis politiques. Oui. Jusque-là, ça va. OK? Donc, le parti A obtient 35 votes sur les 100. Donc, on s'entend, il n'est pas majoritaire. Non. Il y a 35 sièges. Le parti B en obtient 30. Le parti C en obtient 20. Le parti D en obtient 10. Et le parti E en obtient 5. Donc, aucune majorité ne se dégage. Dans le calcul, le parti A, qui a obtenu 35 sièges, on fait une division. Divisé par 1. Ça reste pareil. Ça donne 35. OK? Ensuite, on reprend toujours le parti A, divisé par 2. Parce qu'il y a 5 sièges, donc il faut se rendre divisé par 2, divisé par 3, divisé par 4, divisé par 5. Il y a 5 sièges. On divise toujours par le nombre de sièges. Donc, on fait un petit calcul. Donc, parti A, avec un divisé par 1, c'est 35 sièges. 35, tout court. Divisé par 2, 17,5. Divisé par 3, donc 35 divisé par 3, 11,7. OK, on repart pas du chiffre d'avant. On part du premier, du vote obtenu. Ouais. Et on fait le calcul pour tous les autres partis politiques. Donc, ça nous donne un beau petit tableau avec plein de chiffres. Là, il y a 5 sièges. On prend dans ce tableau-là les 5 plus hauts scores. Donc, le parti A qui a obtenu 35 avec la division du vote 1 et a obtenu 17,5 avec la division 2. Ont deux sièges assurés. C'est compliqué, hein? Une fois le tableau dans la face, ouais, mettons que tu m'envoyais le document puis je le mettais sur le blog, mettons, ça pourrait aider, tu sais. Je pourrais t'envoyer ça. C'était bien fin. Parti B a obtenu 30 sièges. Ouais. Donc, 30 divisé par 1, ça donne 30. Ouais. 30 divisé par 2 égale 15. Ouais. Donc, on s'entend que le parti A avec 17,5, parti B avec 15 sièges, ça chauffe les fesses. Ouais. Mais là, il y a le parti C. Parti C, 20 sièges divisé par 1, ça donne 20. Okay. Et c'est leur plus haut c'est chiffre. C'est leur plus haut score parce que le 20 divisé par 2, ça donne 10. Donc 10, c'est pas dans le top plus 5. Bas, c'est pas dans le top 5 des chiffres. Donc, il faudrait faire ça pour les 125 circonscriptions. Aïe. Et là, les partis politiques ont une liste de candidats avec eux. Donc, on n'élit pas un député, on élit un parti politique. Okay. Et eux ont une liste qui est connue d'avance avec 125 noms. Et si on dit Parti québécois, tu as le droit à 43 sièges de par ce calcul-là, tu prends les 43 premiers sur ta liste. Parti libéral, tu as le droit à 34, tu prends les 34 premiers. Québec solidaire, tu as le droit à 3, tu prends les 3 premiers. Et ça pourrait être 10, ça pourrait être 15. Mais selon le calcul ici, on prend les plus gros scores. Donc, c'est la proportionnelle absolue. Ça va, les garçons? Ça va très bien. Ça va. Je vais t'envoyer le tableau, Mathieu, pour que si tu veux le mettre sur la page Facebook. Oui. C'est extrêmement compliqué. Et oui, je l'ai relu avant de comprendre que... OK, c'est ça. Mais c'est ça, là. Moi, je suis pas vraiment sûr de comprendre. Juste pour reprendre l'exemple, ici, où tu avais 5 sièges, les sièges seraient répartis comment? C'est, regarde, ceux que je t'ai entourés. Ouais. C'est les 5 plus hauts scores du tableau. Le parti B ferme la marche avec 15 dans la partie B divisé par 2, 15. OK. Parce qu'il y a 5 sièges, donc on calcule le parti A divisé par 1, 35. 1, 2, 3. Ensuite, parti B avec 30 sièges divisé par 1, donc 35 A, 30 B. Ensuite, le C qui se faufile, 20 sièges divisé par 1 donne 20. OK, donc, je comprends. Ils ont chacun un siège jusqu'à maintenant. Okay. On tombe dans l'autre ligne. OK. Parce que un parti D qui a obtenu 10 sièges divisé par 1, ça donne 10. Donc, c'est sûr qu'il est plus bas que le 20 du parti C. Ça fait comme un espèce de triangle. Exactement. Si on veut. Okay. Ouais, exactement. Donc, on prend, s'il y avait 125 circonscription avec 5-6 partis. On a ramené le tableau, mais ceux divisés par 125 à fin. Donc, ça, pas certain au Québec si ça fonctionnerait. Je ne sais pas. C'est celui on n'aurait pas plus à s'en soucier. Ah ouais, mais par chance, celui qui est sur les tablettes présentement s'appelle proportionnel mixte. Donc, okay. On prend ça. Mais vu que c'est compliqué, on le jumelle avec autre chose. Okay, pour... Et là, je vais vous en parler. Okay. C'est celui qui est étudié présentement, mais qui a été tabletté par notre cher Parti libéral du Québec. Okay. Parce que quand il a fait des calculs, des simulations, il a dit, on va être dans l'opposition pour longtemps. Donc, on le tablette. Proportionnel mixte. Il y a 125 circonscriptions au Québec. Okay? On en garde 75. Les autres, 75, on fait quoi avec? On les élimine. Okay. On regarde les 75 du fédéral, parce que il y a 75 circonscriptions quand on vote au fédéral et 125 quand on vote au Québec. Okay. Donc, on conserve les circonscriptions fédérales. Comme exemple, où j'habite, moi, c'est Masquinongée, mais au fédéral, je suis dans Berthier-Masquinongée. Okay. Mais au provincial, Berthier existe. C'est deux circonscriptions. Mais au fédéral, on est jumelés. Pour des raisons multiples, qu'à travers le temps, les choses ont changé. Division du nombre d'électeurs. Et tout ça. Ouais. En principe, il faut avoir 40 000 électeurs, plus ou moins, dans une circonscription. Au fédéral, ça peut monter à 60 000. Okay. Parce qu'il y a 308 députés. Au provincial, il y en a 125. Donc, on peut avoir plus de monde à représenter. Donc, on conserve les 75 circonscriptions fédérales, mais il y a 125 sièges à l'Assemblée nationale. Ouais. On a éliminé 50 circonscriptions, mais c'est là que la proportionnelle entre en ligne de compte. Donc, on soumet une liste de 50 candidats. Et donc, les 30 premiers, les 10 premiers de la proportionnelle, on les choisit dans cette liste-là. Les derniers ont aucune chance parce que ça ne se rendra jamais jusqu'en bas de la liste. C'est genre des backbenchers. C'est rare qu'ils se font élire. Si jamais quelqu'un se blesse. Mais tu peux monter dans la liste au fur et à mesure où tu t'impliques dans l'expérience, ta notoriété, exactement. Donc, c'est propre au parti de décider qui arrive 125e sur la liste. Les décès pour certains partis aussi. Ce qui est un peu plate, en fait, tu choisis pas ton député. Oui. Parce que dans proportionnel mixte, tu as un bulletin de vote où tu votes deux fois dessus. OK, tu votes. OK. Tu votes. Tu as deux lignes. Exactement. Donc, à gauche ou à droite, peu importe. Tu votes pour ton candidat dans ta circonscription. OK. Et dans l'autre colonne, tu votes pour ton parti politique au provincial. Okay. Donc, exemple, nous autres ici, on dit on veut Daniel Saint-Amand comme député de Trois-Rivières. Donc, on vote Daniel Saint-Amand. Mais c'est pas un vote pour le Parti libéral pour autant. Parce qu'on dit, nous autres, au Québec, on aimerait ça que ça soit option nationale. Ouais. Ça serait le fun, tu sais, dynamique. C'est donc, ça. Dans l'autre colonne, on vote option nationale. Donc, les 75 circonscriptions qui sont élues, les 75 circonscriptions de députés élus, c'est celles qu'on vote pour la personne. Donc, Daniel Saint-Amand deviendrait député de Trois-Rivières de par le vote de sa population. Mais le parti au pouvoir, pas nécessairement au pouvoir, mais le parti politique qui a obtenu les sièges selon la proportionnelle pourrait dire « Parfait, la population m'a donné mes députés. Parfait. » Mais je peux en rajouter d'autres parce qu'ils ont élu. Tu peux en rajouter, mais tu peux pas les enlever. Non. Donc, elle, c'est sûr que en fait, ça donnerait un siège. Quand tu votes pour un candidat, dans passe automatiquement. Exactement. Mais ensuite, il y aurait 75 élus au Québec, mais ça en prend 125. Donc, le 50 autres sièges seraient répartis selon le nombre de votes que les partis politiques ont obtenus. Là, Québec solidaire, Option nationale, Parti vert et tous les autres partis politiques pourraient augmenter. Donc, Françoise David et Amir Khadzir de Québec solidaire, exemple, pourraient nommer quelques personnes. Seraient déjà élus, mais comme ils ont obtenu 6,3%, donc pourraient aller jusqu'à désigner 6 autres députés à travers le Québec. Donc, eux autres, ce sont des députés non élus. Qui sont pas dans des comtés. Qui sont pas dans des comtés, mais qui peuvent s'occuper d'un ministère. Comme aux États-Unis, les secrétaires sont pas élus, sont nommés. Oui. Donc, là, on pourrait aller chercher, exemple, un intellectuel ou aller chercher un gars de la rue. Ben, un gars de la rue. Qui a plus ou moins de charisme, mais qui est compétent dans son domaine. Ouais, c'est ça, qui est extrêmement compétent. Là, au lieu d'avoir un vendeur de chars usagés, ministre de la Santé, là, on pourrait aller chercher un médecin réputé mondialement. Un Québécois. Qui a peut-être de la misère un peu à s'exprimer, mais qui est extrêmement compétent. Un cerveau sur deux pattes. Mais, par exemple, l'inverse est aussi vrai. Par exemple, on pourrait retrouver, d'ailleurs, des personnes pour lesquelles on veut plus ou moins voir, qui n'ont pas été élues. Ouais, ben, la population n'aurait pas un choix. Il y a une liste qui existe. Mettons, tu votes pour le parti, mettons option nationale, quelque chose du genre, parce que tu votes pour le parti parce que t'aimes leurs idées, mais t'aimes pas tellement le candidat parce que peut-être que c'est un débutant ou je sais pas trop quoi. Mais cette personne-là va quand même, si mettons, ils ont beaucoup de sièges, il va peut-être se retrouver quand même. Ouais, mais c'est la même réalité qu'aujourd'hui. Ouais. En votant. Mais Puis cette liste-là, en fait, j'imagine qu'elle est connue. Oui, oui, elle est publique, elle est diffusée largement. Donc avec serait... l'ordre? Avec... Exactement. Parce que, ouais, c'est ça. Sinon, t'as pas le choix. Sinon, écoute, quelqu'un peut se retrouver, là, je sais pas. Donc, je pourrais recevoir un coup de téléphone pour dire, bientôt, je t'en homme. Ouais, ben, je veux même pas rien savoir de ça. Non, ou, c'est ça, c'est ça. Je suis détesté chez nous, donc je veux pas. C'est ça. Puis vraiment des amis, là, tu sais. Ouais, non, il y aurait une liste, puis il faudrait qu'ils défendent leur, leur choix et tout ça. Donc, c'est comme quand on dresse la liste des candidats au Québec. Pourquoi, exemple, Jamila Benhabib qui habite en Outaouais et se retrouver en Mauricie, à Trois-Rivières. Donc, on a chialé un peu là-dessus. C'est une étrangère qui vient d'une autre région du Québec. On, c'est une parachute, blablabla. On chiale, on peut prendre l'exemple du NPD aussi, dans ta circonscription. Oui, Ruth-Hélène Brousseau qui ne parlait même pas français. Exactement, qui était au Nevada pendant les élections. Ah ouais. Donc, parachuté. Était à Las Vegas. C'est incroyable. Elle fait un très bel job, hein? C'est une des meilleures députées dans le caucus. Oui, mais ça a été reconnu. On parle pas de ses bonnes affaires, on dirait, on parle juste de ses. Non, mais c'est ça, mais tu sais, quand tu y penses, c'est assez. En tout cas, c'est assez particulier comme situation. Ouais. Bref, écoute, je parle pas de ses compétences. Ouais. Je suis sûr que, en fait. Elle est très compétente. Elle parle très bien français en plus. Elle a eu le temps. Elle s'intègre, tu sais, elle a son bureau ici. Tout écoute. J'imagine qu'elle est présente. Il y a un festival, elle est là. Elle est là. Et on peut compter sur elle pour être une femme de taré. Là, je vais vous compliquer la vie encore plus. Vas-y. Il y avait la proportionnelle, compliquée. La proportionnelle mixte que je viens d'expliquer, qui est un petit peu moins compliquée, parce que là, on peut voter et le parti et pour le candidat. Tu trouves ça compliqué quand même? Bon, par comparaison. L'autre, tu vas trouver compliqué. C'est la proportionnelle mixte pondérée. Pondérée. Parce que là, en plus de la proportionnelle et de la mixte, là, il faut faire le poids des régions et de la ville. Donc, ça nous prend autant de députés en région qu'en ville. Pour pas avoir une surreprésentation de Montréal, vu qu'on a 3 millions d'habitants, mais les régions comme... ils ont plus de circonscriptions, donc ça serait le fun que les régions aient plus de poids, que Québec ait plus de poids, exactement. Mais tu vois avec le nombre d'habitants, comme tu parlais... Peut être ça, mais est-ce que c'est des habitants fixes, des habitants... tu sais, il y a des changements inscrits sur la liste électorale. Exactement, mais comme Gaspésie, ça serait le fun d'avoir plus qu'un député, parce que c'est immense ce territoire-là. Mais comme dans le nord du Québec, il y a un député qui fait de la Baie James à Coudjouac, Fermont. C'est le même député. On s'entend que tu veux aller te plaindre à ton député, t'es mieux d'avoir un bon skidou. Ouais, ou envoie un courriel. Ouais. Puis ça étend pas de le lire. Exactement. Mais là, le pondéré, ça peut être les régions ou la ville, mais ça peut être aussi homme-femme. On veut avoir autant d'hommes que de femmes. Donc, si la population élit plein d'hommes, la proportionnelle va venir nommer juste des femmes pour compenser. Hein? Ça peut être aussi les jeunes et les vieux. Avoir autant de jeunes que de vieux. Avoir autant de minorités ethniques que de souches. Ouais, des quotas, si on veut. Exactement, je ne veux pas utiliser le mot quota. Ça ressemble à ça. Le pondéré, c'est ça. C'est pour diminuer une surreprésentation d'une catégorie. Ouais. Mais est-ce que c'est bon, ça? C'est compliqué pour rien. C'est compliqué pour rien. C'est étudié, par contre. Mais ça peut être appliqué. Mais je pense pas qu'on vote pour un sexe ou pour un âge. Non, c'est qu'on ça. Vote pour les talents de la personne. Et selon toi, oui. Il y en a beaucoup qui votent pour les femmes. Ou il y en a qui disent « je veux pas d'une femme première ministre ». Il y en a beaucoup encore au 21e siècle qui disent ça. Ben oui, puis qui vont tirer de monde après ça. Oui. Mais, c'est dégueulasse pareil. Moi, je sais, mais c'est ça pareil. Ouais. Mais effectivement, donc, la pondérée serait pour ça, pour dire « moi, je veux pas d'une femme là ou je veux pas d'un homme là, fait que je vais voter pour un homme dans la proportionnelle pour que ce soit un homme qui soit nommé plutôt que, tu sais, un... C'est particulier parce que, en fait, les femmes peuvent se présenter aux élections, tu sais. Non, mais c'est juste pour pas qu'il y ait, sur 125 sièges, 120 hommes, 5 femmes. Comme le gouvernement de Pauline Marois présentement, je vous souhaite bonne chance pour avoir un gouvernement équitable et équilibré en hommes-femmes parce qu'ils ont à peu près une dizaine de femmes d'élus sur 54 sièges. On s'entend que toute proportion gardée, c'est une femme pour 5 hommes. Dans un gouvernement où... Mais la proportion des gens qui se sont présentés aux élections... C'est ça aussi. Ça, c'est le système démocratique. Mais pour avoir bonne figure, bonne conscience, elle veut faire comme gouvernement Charest, avoir autant d'hommes que de femmes au Conseil des ministres. Mmh. Donc là, je vous souhaite bonne chance. Cette valeur, c'est... En même temps. Ou ça pourrait être le contraire, plus de femmes que d'hommes. Donc, il faudrait aller chercher des hommes à quelque part. Puis ça peut être des... En même temps, tu y vas par compétence. C'est les gens compétents. Hommes, femmes. Parce que moi, si on y va avec proportionnel mixte pondéré, moi, je dis qu'il faut une proportion de végétariens, de gens qui ont la protection des animaux. C'est ça, ça finit plus. Là. Exactement, Mathieu. Des gauchers, des droitiers. Geeks. Oui. Le multimédia. Ah, le chiptune, par exemple. Chiptune, c'est sa musique de jeu vidéo. Pas. Ceux qui aiment ça, il en faut moyen. C'est infini. C'est infini. Moi, je dis que je pense que comment dire, ce qu'on a appris de cette chronique-là, c'est que tout sauf le système qu'on a en ce moment serait meilleur. Voilà. Ouais. Lesquels qu'on aime le plus, l'alternatif, moi je trouve qu'il est bien. L'alternatif, il est bien. Big Brother. Tu votes contre les autres. Ouais. Moi, ça, j'aime ça. Ouais. Ou on pourrait en inventer un autre comme Bozo le clown, parce que tu sais, un clown sur une tablette, tu tires sur une boule. tu rates la cible, il est élu. Un genre de whack-a-mole, comme d'un foire. Oui. Talk sur l'animal. Tu le pognes, il n'est pas élu. Mais ça, écoute, est-ce qu'on va pouvoir voir ça aux prochaines élections? Un mode de scrutin, c'est excessivement long changer ça. Oublie ça, parce que si tu te souviens bien, je sais que tu étais jeune à l'époque, mais 1968. Okay? Ouais, j'étais. Ah, t'étais jeune. Tu commençais à peine à avoir la barbe. Ouais. un homme qui s'appelait René Lévesque. Ouais. S'était fait élire, entre autres, avec la promesse de faire du Québec un pays. Bon, il a échoué là. Il a fait la promesse de faire l'émancipation des Québécois. Bon, il a à moitié réussi. Et il a fait la promesse d'avoir la proportionnelle. Ça n'a pas marché. Il est revenu à la charge en 76. Je veux la proportionnelle si on forme le gouvernement. Ils ont obtenu grosse majorité au gouvernement, mais il a dit le système actuel m'avantage. Il l'a laissé tomber. Mais ça... À chaque élection, le gouvernement, et en 2003, c'est pas c'est hier, ça là. Ouais. Le gouvernement Jean Charest qui se fait élire avec sa réingénierie de l'État, il dit je veux instaurer la proportionnelle. Il a même nommé une commission de ministère, Benoît Pelletier à l'époque. Qui s'est penché là-dessus, qui ont fait un rapport, donc redécouper les circonscriptions, faire une proportionnelle. Et quand ils l'ont étudié, ils ont dit ouf. Au lieu d'avoir 76 sièges, mais on en aurait 30. C'est que c'est biaisé de nous demander à des politiciens. Est-ce qu'on ne devrait pas demander à la population de voter sur leur propre façon de voter? Genre? Moi, je pensais que c'était le directeur général des élections. Qui. Mais il peut pas. C'est un employé. C'est un employé de l'État. Donc, il reçoit ses mandats de l'Assemblée nationale. Il peut, lui, faire des recommandations. Comme c'est lui qui a fait le redécoupage de la carte électorale à la suite de la recommandation de la commission parlementaire. Mais ça aussi, c'est discutable, par exemple. Ça devrait pas être quelqu'un qui est entièrement... Une firme étrangère, quand j'ai étrangère, c'est non politique. Non, c'est sûr, indépendante. Il y a de l'influence, il y a des couvains, des enveloppes brunes, puis il y a des petits amis à protéger. C'est sûr. Mais en même temps, là, comme c'est là en ce moment, écoute, je veux pas dire qu'il y a de la corruption là-dedans, j'en ai aucune idée, mais les pots de vin, ils se peuvent aussi. Oui, tout à fait. Mais là où ça arrêtait bien, que ça a failli, on a passé à deux chutes de passer, si le gouvernement Parti québécois, avait été élu minoritaire, mais avec 2 à 3 sièges proche du pouvoir, donc demande à Option nationale ou Québec solidaire, dire voulez-vous m'appuyer sur mon budget? Eux autres auraient pu dire t'instaures la proportionnelle et on appuie ton budget. Là, il n'y a pas le choix de dire oui ou non. On n'appuie pas ton budget, le gouvernement tombe, on retombe en élection. Donc, tu ne veux pas y aller, fais la proportionnelle. Ou sinon, on s'entend avec un autre parti. Genre. Parce que c'est plus demain que ça va se faire que de par la volonté de nos politiciens. À partir d'un vote Facebook, ça va passer, ça? Facebook, ça se fait tellement. Désirez-vous? Que désirez-vous comme méthode? Là, il y a une surreprésentation de Québec solidaire et Option nationale sur Facebook. Ça, c'est clair. Je sais pas. Donc, il faudrait que ça soit un vote Facebook pondéré. Là, ça complique encore plus les choses. Ouais, je m'en vais étudier ça, là. François Landry, oui, on a de la lecture à faire d'ici la semaine prochaine. Beaucoup. Tu me parles de quoi la semaine prochaine? Commission Charbonneau. Okay. Ça commence lundi. Avec un très gros poids lourd qui va venir témoigner le premier. C'est un agent secret qui a infiltré la mafia new-yorkaise dans les années 70, qui aujourd'hui vit dans le secret parce que sa tête est mise à prix. J'imagine. Et François Charbonneau, le commissaire, le fait venir pour qu'elle nous parle de ce qu'est la mafia. Comment ça se passe? Ça va être j'en shake, là. J'ai hâte de voir ça. Le film Tony Brasco avec Al Pacino. Okay. Tony Brasco puis Johnny Depp. Oui. C'est la vie de ce gars-là. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais. Donc, Hollywood en ont fait un film. Okay. C'est magistral comme film. Al Pacino qui est meilleur. Remarquable. Tout le temps. Puis Johnny Depp qui était tout jeune. Fringant. Jeune et fringant et chevelu. Allez voir le film pour savoir qui est le gars qui va passer. Tony Brasco. Lundi matin, commission Charbonneau. Attention, les politiciens doivent avoir un rond humide dans leur fond de culotte. Lui, il s'est repenti, en fait. Il est caché. Il s'est repenti dans le sens où il s'est viré... Non, c'est un agent du FBI. Okay. C'est un agent du FBI qui a infiltré la mafia. Okay. Donc, il était rendu numéro 2 de la mafia. Ils l'ont retiré avant qu'il se fasse tirer. Oh. Voilà. C'est bien, ça. On en parle jeudi prochain. Ouais. On parle de mafia. Du gouvernement. Ça revient pas au moins. C'est un synonyme dans mon dictionnaire, tu sais. Jeudi, 8h30, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, François Landry. Fait extrêmement plaisir. Ah, que c'était bon. Si on a appris des choses, c'est ça, cette chronique-là. C'est la chronique d'apprentissage. Hey. On se quitte pour en faire la fête de semaine. Oui, écoute, nous autres, on se revoit lundi matin. Oui, lundi matin, on a Sébastien Dulude et sa chronique Va voir, j'y suis. Sa chronique sur une aventure ucutérienne dont vous êtes le héros. C'est vraiment le fun, ça va être super bon. Palpitant. On reçoit aussi Mme Mir, oui, Véronique de son prénom, qui va venir nous parler en fait du bureau de la réussite étudiante, des activités qu'on peut y retrouver. Ça va être fort intéressant. Et à 8h30, on aura Alexandra Carignan, sa chronique culturelle, et aussi sa face cachée de la trifluvie. C'est lundi entre 7h et 9h. Restez à l'écoute pour le dîner de con à 11h en compagnie de Danny Janvier. Je serai de retour à 15h avec Alexandra Carignan pour les Palmarès C'est fou, un décompte du top 20 francophone et anglophone de C'est fou. Et puis en soirée, il y a 13e étage avec du jazz, de l'électronique et de l'éclectique. Et la toute nouvelle émission électro-tactile commence ce soir à 21h. Génial, et on invite les étudiants pour le party de la rentrée ce soir au 10-12 et à la Chasse-Galerie. Ça commence aux alentours de 22h. Exactement. Si t'en as pas manqué avec Orange Orange, entre autres, il y a aussi Irish Bastards et DJ Carl Wolf. On se quitte avec un groupe qui s'appelle Reine de France et Week-end perdu parce que ça va passer vite. C'est ça, ça durera pas. Profitez-en.